Je vous invite à tourner dans vos Bibles au psaume 119. Et j'aimerais demander à quelqu'un de lire pour nous, pas tout le psaume. Ne vous inquiétez pas. Okay? Psaume 119. Et j'invite quelqu'un de lire pour nous le premier strophe, qui est les versets 1 à 8. Moïse, s'il te plaît. Oui, écoutez le texte. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Verset 8. Oh, OK, t'as fini. Okay. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la communauté et que tu nous as invités en tant que communauté de te louer et aussi de t'écouter et d'agir en tant que communauté dans ce monde et dans ce milieu. Merci pour le série que nous venons de terminer sur le bien fondé de la communauté et du psaume 133. Merci pour le défi que Jacques nous a lancé dimanche passé. Et Seigneur, maintenant, nous tournons nos regards vers ce petit texte et nous te demandons tout d'abord de nous éclairer. Seigneur, libère ton esprit pour que nous puissions bien comprendre l'importance que le psalmiste et que toi, tu mets sur la révélation écrite et de l'importance d'être à l'écoute de ta parole qui se trouve ici dans les Saintes Écritures. Mais deuxièmement, Seigneur, nous ne voulons pas simplement comprendre le texte, nous voulons agir ainsi. Et donc, Seigneur, libère ton esprit pour que nous puissions pratiquer ce texte et de pratiquer ta parole écrite cette semaine. Au nom de Jésus, amen. Pour vous qui étiez ici vendredi passé, vous savez que nous commençons la semaine de prière pour l'unité chrétienne. Et donc, c'était magnifique vendredi d'être 40-45 personnes de différentes églises protestantes et de 5 paroisses catholiques différentes, juste de prier pour l'unité et de prier pour l'arrondissement. Le thème cette année, c'est « Nous sommes les témoins ». Mais ça m'a frappé. J'ai poigné le petit livret. Pour vous qui avez un arrière-plan catholique, vous souvenez de « Prions en église ». OK, ouais, ça c'est le… Oui, il y avait la Bible et ensuite il y a « Prions en église ». Et ça a été découvert dans les documents de la mer morte avant la Bible. OK, c'est cher pour nos amis, nos frères et nos sœurs catholiques. Mais ce qui m'a frappé cette semaine, écoutez les objectifs que les catholiques se sont donnés pour la semaine de prière pour l'unité, où le thème, c'est « Nous sommes les témoins ». Premier objectif, je repense au moment de ma vie où je me suis laissé toucher par une parole de Dieu, un passage de l'Écriture. Je vois comment cette expérience habite encore mon cœur et le transforme. Deuxième objectif, ai-je le goût de lire la Bible, de m'approprier les Saintes Écritures, de méditer les textes de la parole, comme par exemple ceux de la liturgie du jour? Troisième, Pendant la proclamation des textes de l'Écriture en assemblée, suis-je à l'écoute de ce que Dieu veut me dire, de ce dont il veut me parler? Je sais que une de nos grandes critiques en tant que protestants, et surtout protestants dans la tradition évangélique, c'est quoi une de nos critiques envers nos frères et nos sœurs catholiques? Ils... C'est une appropriation du message biblique, c'est fait par des autorités, donc par le Saint-Esprit. Et voilà, voilà. Où on dit, de façon un peu plus terre-à-terre, on dit, ils ne lisent pas la Bible. Et, historiquement, les protestants, nous étions reconnus comme les gens de la Bible. Donc, plutôt de vous lire toute leur affaire, ça va, si vous voulez le faire, c'est à vous à faire. Mais moi, je me suis dit, avons-nous les objectifs par rapport à l'écoute des textes bibliques? Avons-nous le même goût d'écouter attentivement, quotidiennement, la parole de Dieu? Je me souviens, pendant 20 ans, Cindy et moi étions très impliqués à l'église chrétienne de Saint-Laurent. Et un dimanche, je suis arrivé et il y avait la Bible d'un de mes amis sur une des chaises. Et lorsqu'il est arrivé, je lui ai donné sa Bible et j'ai dit, « T'as laissé ta Bible ici la semaine passée? » Il m'a dit, « Oh, je la laisse ici chaque semaine. Je ne veux pas le perdre et je ne veux pas l'oublier de l'apporter à l'église. » J'avais une question, mais au moins la discrétion a dominé, donc je n'ai pas posé de question. Mais je me suis dit, si nous sommes vraiment les dites gens de la Bible, ils nous sommes véritablement. Et je me suis dit, si nous allons vraiment pratiquer ce que nous avons appris dans la dernière série sur la communauté, ça vaut la peine encore de revenir à l'importance de la révélation écrite. Nous savons fort bien, Dieu s'est révélé dans la création. Et on le regarde, on l'apprécie avec émerveillement. Et nous savons que Dieu s'est révélé ultimement dans la personne de Jésus-Christ. La création est la parole de Dieu. Jésus-Christ, comme Pierre l'a bien dit, Jean l'a bien dit, il est la parole de Dieu. Mais les Saintes Écritures sont aussi la parole de Dieu. Et en méditant la création, et en appréciant, et en méditant la personne, l'œuvre, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ. Mais avons-nous le même dévouement envers les textes et d'écouter les textes? Et ce matin, pour la semaine de prière pour l'unité chrétienne, j'aimerais étudier avec vous juste une partie d'un chapitre qui met en valeur, qui met en évidence la révélation écrite. Et en étudiant ce texte, je veux que notre amour d'étudier et de lire la Bible grandit. Et même, je dirais, grandit de façon exponentielle. de l'écouter et de l'apprécier de façon journalière. J'ai opté pour le psaume 119 pour trois raisons. Tout d'abord, c'est le plus long chapitre dans la Bible, donc pour cette raison, ne vous inquiétez pas, on ne va pas étudier tout le texte, mais on va étudier juste un paragraphe. Mais dans chaque verset, dans les 176 versets du psaume, Dieu est mentionné. Et n'oublions pas, nous n'adorons pas la Bible. Ne faisons pas des Saintes Écritures l'idolâtrie. Ce qu'on appelle la bibliolâtrie. on est des gens de la Bible, mais ce n'est pas notre Dieu. Dieu est notre Dieu. Toute autorité, Jésus a dit, m'a été donnée. L'autorité ne se trouve dans le noir sur le blanc. L'autorité se trouve en Jésus. Et c'est lui qui nous invite d'écouter ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dit. Parce que Dieu est au centre de cette révélation. J'ai choisi le psaume pour une deuxième raison. C'est fait de façon très artistique. L'auteur, et on ne sait pas qui l'a écrit, a pris les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Donc, en français, en anglais, nous avons 24. En hébreu, il y en a 22. 26? OK, excuse-moi. Mon éducation me manque. OK? Mais en hébreu, il y a 22 lettres. Et l'auteur a pris la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph. Et il a commencé le verset premier avec Aleph. 8 versets. Rendu au verset 9, deuxième strophe, deuxième lettre de l'alphabet hébreu, bêta, et il commençait le verset 9 avec la deuxième lettre. Et ensuite, jusqu'à la fin. Donc, 22 lettres, un strophe de 8 versets, 176. Donc, imaginez, si vous c'est ça qu'on appelle une acrostiche. Donc, imaginez la créativité qu'il a dû investir pour rédiger le texte. Et troisième raison, dans le psaume, il y a 10 mots différents utilisés pour la loi, pour la Bible, pour la révélation écrite. Et il n'y a juste 8 des 176 versets où un de ces mots n'apparaissent pas. Donc, comment on peut dire, je pense qu'il voulait communiquer quelque chose. Et il faut être à l'écoute. Ces mots, imaginez, c'est polyvalent, c'est multicolorié. Le mot « loi », « Torah » est utilisé 25 fois. Le mot « témoignage » ou « statut » est utilisé 22 fois. « Chemin », il y a deux mots, est utilisé une vingtaine de fois. Précepte, 21 fois. Décret, 21 fois. Commandement, 22 fois. Les justes lois, 22 fois. Le mot parole, promesse. Vous voyez, il a pris tous ces mots en hébreu et il les a tissés dans le texte. Ne tardez pas trop sur les nuances dans les mots. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il voulait inciter les lecteurs d'être à l'écoute de la façon que Dieu s'est révélé de façon écrite et d'être attentif. Donc, il est pour cette raison que probablement le psaume 1 et le psaume 19 sont aussi complémentaires à ce texte. Et si vous voulez faire un exercice cette semaine, lisez le psaume 1 et le psaume 19, un peu comme des textes parallèles à celui-ci. En lisant le paragraphe Aleph, 7 des 10 mots se trouvent ici dans ce texte. Mais en décortiquant le texte, moi j'ai trouvé 6 principes qui dégagent et qui peuvent nous aider d'apprécier l'importance d'étudier et de lire les textes. Pour ainsi dire, si je lis, si je médite, si j'étudie, un texte comme Psaume 119, 1 à 8. Voici 6 choses qui vont se manifester dans ma vie, dans notre vie collectivement. Commençons avec le premier principe et le premier verset. Moi, je lis de la Bible du Semeur. Heureux les hommes et les femmes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Donc, le premier principe, c'est qu'une vie intègre est intimement reliée à l'obéissance à la loi de Dieu. Une vie intègre est intimement reliée à l'obéissance de la loi de Dieu. Je dis ça pour deux raisons. L'idée de suivre la loi est très actif. Je peux lire quelque chose. Je peux étudier un texte. Je peux méditer un texte. Je peux mémoriser un verset. C'est très différent que de le suivre. Et le suivre, surtout selon Matthieu, en Matthieu, est l'image et la pratique de l'obéissance. Donc, quand je suis quelqu'un, je le suis. Je pratique ce qu'il fait. Et le fait que ce mot « intègre » est ici, « intégrité » a la même connotation en hébreu qu'en grec. Ça veut dire « sans hypocrisie », sans cacher quoi que ce soit. Une personne qui est intègre va faire exactement la même chose lorsqu'elle est seule que lorsqu'elle est avec du monde. Et le verset commence avec Aleph, heureux, béni, soit la personne qui a une conduite intègre et qui pratique la loi de l'Éternel. Donc, en méditant les textes, en étudiant les textes, le résultat va être une vie d'intégrité. Parce que les textes me transforment par la puissance de l'esprit. Le deuxième principe se trouve dans les versets 2 et 3. Et maintenant, le psaumiste, il utilise une façon d'écrire qui est typiquement juive. C'est écrit, regardez le texte, et pensez en fonction de A, B, B, A. Donc, il y a une répétition. A. Heureux les âmes qui suivent les préceptes, B, et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Maintenant, le B est répété, mais de façon négative. Ils ne commettent pas le mal. Maintenant, le A, qui est la même chose en verset 2, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Donc maintenant, le psaumiste nous dit que en suivant les préceptes, les voies de l'Éternel, nous allons lui plaire. Donc, combien de fois est-ce qu'on pose la question, comment est-ce que je peux plaire à Dieu? Et selon les versets 2 et 3, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une science. Et le texte nous dit que nous pouvons lui plaire en suivant ses préceptes, en suivant ce qui est nous donné de façon écrite. Qui veut dire que je ne vais pas commettre de mal. Les jeux vont de pair. Donc, le deuxième principe, c'est que de suivre les préceptes de Dieu lui plaît. Et si c'est notre désir de mettre un sourire sur le visage de Dieu, métaphoriquement parlant, ça commence avec un désir. Pas simplement de lire, mais encore de suivre ses préceptes et de ne pas commettre du mal. Qui m'amène au verset 4 et le troisième principe. Le psalmiste a écrit, « Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. » Donc, le quatrième principe, c'est simple. Dieu veut que sa loi soit respectée. Et aussi banal que ça puisse apparaître, le mot ici, « décret », est utilisé uniquement dans les psaumes. Ce n'est pas un mot qu'on trouve ailleurs dans l'Ancien Testament. Et le bien fondé de l'idée, c'est que le Dieu qui existe, ce Dieu trinitaire qui existe, en agissant, a donné les décrets, les préceptes, son alliance. Et il ne l'a pas fait simplement parce qu'il a eu cette idée un matin. Non, il l'a fait parce qu'il veut que ses décrets soient respectés. Donc, lorsque le mot « décret » est utilisé en psaume 119, écoutez les verbes que le psaumiste a utilisés. Il faut que les décrets soient gardés, aimés, choisis, cherchés ardemment, médités, compris, jamais oubliés, Et il ne faut jamais s'éloigner de ses décrets. Pour ainsi dire, il y a un dévouement, un engagement, une diligence, parce que le Dieu de la création, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui s'est révélé. Et il s'est révélé dans les Saintes Écritures pour que ça soit gardé, aimé, choisi, médité, compris, jamais oublié. Donc, lorsque on ouvre les textes et lorsqu'on prend le temps de les méditer et de les lire, ils sont là parce que Dieu veut que ça soit respecté. Je ne vais jamais oublier, quand j'étais à l'université, il y avait une grande intervention magistrale qui a été donnée par un grand chronoquier américain de l'époque, parce que moi j'ai fait mes études du premier cycle aux États-Unis, je suis allé de Toronto aux États-Unis pour mes études. Et le grand chronoquier, c'était un bonhomme, mais il n'avait pas vraiment de prétention religieuse. Mais un des étudiants lui a posé la question, il a dit, c'est quoi les mots dans notre société de nos jours? C'est quoi le remède? C'était dans les années 70, hein? Donc c'était au milieu de la guerre en Vietnam. Et comme ça, le grand chronoquier a dit, il dit, il me semble que notre société a oublié les 10 commandements. Il a dit, nous avons décidé que c'était 10 suggestions. Et en tant que jeune chrétien, ça m'a vraiment frappé. J'ai dit, c'est vrai. Aujourd'hui, ça ne me tente pas de faire le sixième. Mais c'est les décrets de Dieu. Dieu veut que sa loi soit respectée. Mais par respecter, j'ajoute les autres mots que le psalmiste a utilisés. Garder, aimer, choisir, chercher ardemment, méditer, compris. Dieu ne veut pas que je m'éloigne. Jamais. De ce qu'il a révélé. Donc, le premier principe, c'est qu'une vie intègre est intimement reliée à l'obéissance de la loi de Dieu. Le deuxième principe, de suivre ses principes, ses préceptes plaît à Dieu. Le troisième, Dieu veut que sa loi soit respectée. Le quatrième se trouve dans le verset 5 et le verset 8. Nous avons une répétition de mots et de principes. Verset 5. « Alors j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. » Et le verset 8, « J'observerai fidèlement tes ordonnances, ne m'abandonne pas complètement. » Donc, le quatrième principe se lit ainsi. « Les ordonnances de Dieu sont pour notre bien. » Croyez-le ou non, quand Dieu s'est révélé, c'était pour le bien de la création, pour le bien de la communauté et pour le bien du monde. Mais combien de fois on dit, « Eh bien, Dieu est bien dur. » Ben, Dieu est bien dur parce qu'il cherche notre bien. Et notre bien se trouve dans ce qu'il a manifesté. Le mot ici, pour ordonnance, littéralement en hébreu, ça donne l'idée d'une statue. Et Dieu, selon le psalmiste, l'a écrit, l'a engravé. Dieu est l'auteur. Les êtres humains sont des écrivains. Il se révèle. Il a établi son règne avec ses décrets. Et notre réponse est tellement claire ici dans ce texte. Il veut qu'on agisse avec fermeté. Il veut qu'on observe fidèlement. Regardez bien les adverbes. De suivre fermement. D'observer fidèlement. Et regardez la réponse de Dieu. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous abandonner complètement. Et dans la conjoncture en Haïti, je dois admettre, avec ce que j'ai vécu avec mon bras depuis 2 semaines, j'ai dit à Dieu plus qu'une fois, « Dieu, tu m'as donné une année magnifique en 2009 quand j'étais en mandat spécial, j'étais libéré de mes tâches au bureau, j'ai pu accomplir ce que ce que je voulais. C'était une belle année. Le 4 janvier, j'étais prêt de retourner au boulot. Et où étais-je le 4 janvier à 9 heures du matin? J'étais dans la salle d'opération. J'étais dans la salle d'attente d'opération pour mon épaule. J'avais le sentiment d'être abandonné. Ou au moins délaissé. Et je dois admettre, je dois confesser, dans ma tête, il y avait des idées. C'est pas fair. C'est injuste. Écoute, moi, je sais comment patiner. Mais, écoute, non. Dieu, il ne nous abandonne jamais. Et ses décrets, ses ordonnances sont là pour notre bien. Le cinquième principe se trouve dans le sixième verset. Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous les commandements. Donc le sixième principe, c'est le cinquième principe se lit ainsi. Une vie de liberté, une vie libre est le résultat de la loi de l'Éternel ou de la pratique de l'Éternel, de la loi de l'Éternel. La liberté se trouve à l'intérieur de sa loi. Quand nos trois filles étaient jeunes, Sandy a commencé de pratiquer quelque chose et je l'admirais. Chaque fois, et je dis, je n'exagère pas, chaque fois qu'on a mis les filles dans la voiture, Sandy les regardait et elle a dit, « OK, nous allons maintenant aller, elle a nommé la place, ensuite on va aller là, autre place, et ensuite on va revenir à la maison. » Et à un moment donné, j'ai dit, « C'est bête, ce sont des enfants. Écoute, ils vont nous suivre, on est des parents. » Et Sandy m'a dit, « Non, j'ai l'impression que ça les sécurise lorsqu'on dit A, B, C. » C'est comme Sandy a mis des bornes, une clôture, une orientation autour des activités. Lorsqu'on a pris des vols ensemble, Sandy expliquait, on va être dans l'avion, le vol, et elle a sorti de sa montre, et elle a dit, l'horloge, ça va tourner 2 fois, 3 fois, 6 fois. C'était juste une façon de les orienter. Et à l'intérieur des bornes, à l'intérieur de la clôture, à l'intérieur de l'orientation, il y avait une immense liberté. Et Dieu fait la même chose avec nous. Mes amis, nous sommes assez adultes pour savoir le gazon n'est jamais plus vert à l'autre côté de la borne. Et la borne de Dieu dans le verset 6, c'est ses commandements. Je n'aurai pas honte. Et j'ai choisi le mot « liberté » ou « libre » parce que dans la culture juive, la honte, c'est la chose la plus horrible. Juste penser à ce que les Juifs ont vécu avec l'exil. D'être en diaspora, d'être en dispersion, c'est quoi? Qu'est-ce que les psaumistes, qu'est-ce que Néhémie, Esdras ont dit? Nous avons honte. C'est la même chose dans les cultures asiatiques. La honte est la pire chose. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui, un capitaine d'un avion, si l'avion a un accident ou il y a une peine, souvent, ils commettent le suicide parce qu'ils ont honte de ne pas avoir respecté les couleurs de la ligne aérienne. Maintenant, je ne défends pas pour 2 secondes ce motif, mais juste pour dire, la honte dans la tradition juive est une des émotions les plus importantes. Et quand je n'ai pas honte, je suis libre. Maintenant, dans notre culture, la honte ne vaut pas 2 sous. Peut-être on a besoin de cultiver un peu plus l'idée de honte. Mais ce qu'il faut cultiver, c'est la liberté. Et la liberté se trouve à l'intérieur des commandements de Dieu. Le verset 7, l'avant-dernier principe. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. Et le sixième principe, c'est que le juste juge désire les vies justes. Les lois de l'Éternel sont justes parce que Dieu dans sa personne est juste. Tout ce qu'il a révélé est conforme à sa personne. Évacuer de notre esprit l'idée qu'il y a Dieu et ensuite il a décidé de rédiger un paquet de lois qui nomme juste. Non, Dieu, ce qu'il a révélé est conforme à sa personne. Donc, les lois sont justes car Dieu est juste. Donc, parce qu'il est un juste juge, il veut que ma vie soit une vie de droiture. Une vie de juste. Il veut que je pratique la justice. Et où est-ce que la justice se manifeste le plus dans l'Ancien Testament? Envers les aveugles, les orphelins, les démunis, les veuves, les enfants. Donc, si nous allons pratiquer la parole écrite de Dieu, les images qu'on a vues ce matin vont nous pousser vers l'action. Surtout et en tout premier lieu la prière, mais ensuite la générosité. Parce que Dieu veut que nos vies soient conformes à sa personne. Et le dernier principe. Non, ça c'est le dernier. Ah, parce qu'on a déjà vu le verset 8. Donc juste pour récapituler. Le premier principe qui est une vie intègre est intimement reliée à l'obéissance à la loi de Dieu. Le deuxième, de suivre les préceptes de Dieu, lui plaît. Le troisième, Dieu veut que sa loi soit respectée. Quatrième, les ordonnances de Dieu sont pour notre bien. Le cinquième, une vie libre, une vie de liberté, est le résultat des commandements de Dieu. Et le dernier, le juste juge désire les vies justes. Je conclue en disant ceci. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, nous voyons presque la même chose. Pensez à Jésus lorsqu'il a été tenté par le Satan, par le malin. Comment a-t-il répliqué? En citant les textes écrits. Jacques, chapitre 1er, « Je médite la loi parfaite de Dieu. » Pierre, dans 1 Pierre. Il cite Ésaïe 40. La fleur tombe, le gazon meurt, mais la révélation écrite dure pour toujours. Donc, mes amis, comme point d'application, je vous encourage de prendre les textes cette semaine. Que ça soit 2 minutes, que ça soit 10 minutes, que ça soit 15 minutes, choisissez. Le temps n'est pas important. Faisons pas de loi là-dessus. Mais prenons le temps de méditer, de lire. Aussi, je vous encourage d'étudier les textes, mais toujours dans le but de vivre à l'intérieur de ce que Dieu a révélé et de pratiquer ce qu'il désire. Parce que le bonheur, la paix, le bien-être se trouvent à l'intérieur de ce que Dieu a révélé. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, j'aimerais affirmer devant mes amis que toi, tu es bon et que ta parole, elle est bonne. Et malgré tout ce que j'ai vécu depuis 2 semaines, je te remercie que toi, tu continues de me parler par ta parole, par ton esprit. Et j'invite ton esprit de faire la même chose dans notre communauté cette semaine. Que nous soyons pas simplement de façon métaphorique, mais de façon authentique, les gens de la Bible cette semaine, pour que nous puissions par la suite être ses témoins, pour que toi, tu puisses recevoir toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.